réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Jean Marais aurait pu dire « Comment ça ? Déjà le mardi 6 octobre ?» Eh oui, bonjour tout le monde. Merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible, votre réveil culturel avec au programme Jean-Michel Delacomté qui, depuis hier et jusqu'à vendredi, nous fait aimer Montaigne et surtout conjugue Montaigne au présent. Montaigne, l'auteur introuvable. Aujourd'hui, deuxième épisode autour de la famille et de l'amour. Et puis théâtre, actuellement à Paris, deux pièces que je vous recommande, Les voisins et La demande d'emploi, deux pièces qui ont pour point commun leur auteur, Michel Vinaver, deux pièces écrites dans les années 70. Et à cette occasion, Michel Vinaver me reçoit chez lui pour un entretien exclusif, c'est aux alentours de 6h15. Un autre jour est possible, tête chercheuse, c'est parti. Montaigne, l'auteur introuvable par l'essayiste et écrivain Jean-Michel Delacomté, spécialiste de Montaigne. Aujourd'hui, deuxième partie, deuxième chapitre. Bonjour Jean-Michel Delacomté. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de la famille et de l'amour. La famille et Montaigne, c'est quelque chose, si j'ose dire. Je vous propose de lire un petit extrait tiré d'un chapitre, du chapitre 28 du livre 1, qui est extrêmement connu, qui porte sur... L'amitié, c'est son titre. Des enfants au père, c'est plutôt respect. L'amitié se nourrit de communication qui ne peut se trouver entre eux par la trop grande disparité et offenserait à l'aventure les devoirs de nature. Car ni toutes les secrètes pensées des pères ne se peuvent communiquer aux enfants pour n'y engendrer une méséante privauté, ni les avertissements et corrections qui est un des premiers offices d'amitié, ne se pourrait exercer des enfants au père. Il s'est trouvé des nations où, par usage, les enfants tuaient leurs pères, et d'autres où les pères tuaient leurs enfants, pour éviter l'empêchement qu'ils se peuvent quelquefois entreporter, et naturellement, l'un dépend de la ruine de l'autre. Il s'est trouvé des philosophes dédaignant cette couture naturelle. Témoin Aristippus, quand on le pressait de l'affection qu'il devait à ses enfants pour être sorti de lui, il se mit à cracher, disant que cela en était aussi bien sorti, que nous engendrions bien des poux et des vers. Et cet autre, que Plutarque voulait induire à s'accorder avec son frère, « Je n'en fais pas, dit-il, plus grand état pour être sorti de même trou. » Alors, pourquoi ce court extrait m'intéresse ? C'est que le rapport de Montaigne à la famille est tout à fait curieux. Il est curieux en ceci que, on disait hier sur pourquoi lire Montaigne aujourd'hui, pas mal de gens disent « mais parce que c'est notre contemporain ». Ce qui, par certains côtés, est vrai. Même temps troublé, à son époque, à la nôtre, il y a du vrai dedans. Et cependant, lorsqu'il parle de la famille, Montaigne n'a strictement rien de notre contemporain. Il a une conception de la famille qui est absolument hostile à la famille. La famille lui pose un grand problème. Mais ce qui est intéressant, au fond, c'est qu'il voit les structures de parenté. Père-fils, c'est une relation négative. Frère-frère, c'est une relation négative. Mère-enfant, il n'en parle même pas. La mère est absente. Donc, ce qui reste, parce que c'est ça l'intérêt de sa démonstration, où se trouve l'ami on en parle souvent, l'amitié, Montaigne, où se trouve l'ami. Et donc il parle aussi de la relation homosexuelle en disant que elle n'est pas digne, quoi, en gros, pour aller vite. Donc, où est l'ami? Ben, ce que je veux dire, l'ami est en dehors de toute structure de parenté. Donc, vous voyez, il y a d'une part ça, la famille, et d'autre part, l'amitié. Mais il n'y a pas que ça. En dehors de la famille, il y a bien sûr, comme pour l'amitié du reste, il y a l'amour. Les femmes, pour Montaigne. Et les femmes, en tant qu'objet d'amour, pour prendre un langage plus moderne, se trouvent exclues du mariage et de la famille. Si on restait dans son hostilité à la famille, est-ce qu'on peut parler d'hostilité, d'ailleurs? Ah oui, je crois. Pourquoi? D'après moi, on sait qu'il avait manifesté à l'égard de son père une loyauté, une fidélité, un respect tout à fait important. L'autre raison, selon moi, c'est que les rapports à la mère, mais là on tombe dans une psychologie un peu facile sans doute, mais enfin les rapports à sa mère étaient notoirement détestables. Je crois aussi que, peut-être d'une façon plus fondamentale, le problème de la famille, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas un individu. Or, le rêve de l'amitié chez Montaigne, c'est le rêve de l'individu et de l'individu libre. Ce qu'on trouve au sein de l'amitié, mais qu'on ne retrouve pas au sein de la famille. Donc, c'est ce pesant collectivisme qu'il veut absolument brocarder en disant que la famille, c'est pas son univers de prédilection. Je pense, oui, effectivement. Je crois que ce jeu-là, quelque chose concernant sa pensée, quelque chose de tout à fait fondamental. Il faut aller plus loin, selon moi. Montaigne, il dit, dans son avis au lecteur, s'il était né dans les Nouvelles-Indes, chez les Indiens de l'époque, chez les sauvages ou les cannibales, dit-il, il se présenterait, s'il le pouvait en tout cas, il se présenterait nu comme eux. Il cherche, vous disiez hier, l'homme universel. Il cherche l'homme universel, c'est-à-dire celui qui n'a aucune espèce de spécificité ou de spécification. Mais quand il remet en cause la structure familiale française, est-ce que, d'ailleurs, est-ce remettre en cause les classes sociales qui avaient lieu à ce moment-là, au XVIe siècle, ou c'est vraiment la famille qui lui posait problème? Non, je crois que c'est la famille qui lui pose problème. Enfin, qui lui pose problème, oui, je pense que... Alors, à titre, à mon avis, à un double niveau, à un niveau, disons, psychologique, bon, peut-être le rapport à sa propre famille, même s'il aimait son père, bon, et puis une bonne relation avec ses frères, tout ça, donc je ne sais pas quelle est la réalité de ça, mais... Si on voit les rapports à la mère, on peut se dire qu'il y a peut-être des raisons psychologiques personnelles. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a l'amitié avec la Boétie, qui est un phénomène tout à fait cardinal. Pas seulement de sa vie, mais de sa pensée. L'ami est en dehors de la famille. Or, la grande aventure affective de Montaigne, c'est l'amitié, c'est pas la famille. Et vous voulez aussi parler de l'amour et donc des femmes, mais Montaigne... Jean-Michel de la Comté, quand il est taxé de misogyne, il y a de très bonnes raisons, des écrits, des points de vue. Et ça, c'est couché noir sur blanc. Hein. Oui. Misogyne, je dirais simplement que, si vous voulez, c'est les gens qui disent ça de lui, j'appelle ça les mal-lisants, parce que je pense que c'est anachronique. C'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que c'est aussi passer sous silence le fait que Montaigne a une forme d'amitié. Pour les femmes, il les aime bien. Et non seulement il les aime bien, mais il considère que la prééminence des hommes sur les femmes est inique. Donc, vous voyez, c'est une misogynie relative. Cela étant dit, la présentation qu'il donne des femmes est assez peu à l'honneur des femmes. Oui, ce sont des mégères. Oui. Mais non, mais je voudrais vraiment questionner votre rapport aux femmes, parce que moi, je trouve ce côté-là très réactionnaire et en écho à des réactionnaires d'aujourd'hui. Quand il est dit, selon la loi que nature leur donne, ce n'est pas proprement à elles de vouloir et désirer. Leur rôle est souffrir, obéir, consentir. C'est pourquoi nature leur a donné perpétuelle capacité à nous rares et incertaines. Elles ont toujours leurs heures afin qu'elles soient toujours prêtes à la nôtre. Oh, ben dites donc. C'est un homme de son temps. Et en ceci, ce n'est absolument pas notre contemporain. Ouais. C'est un homme de son temps. On peut pas parler d'un modernisme. Non, pas du tout. Ouais. Avec les femmes, il est sous cet angle. Il dit aussi, les hommes et les femmes sont jetés à même moule. Donc, vous voyez, il y a quand même une forme de parité. Mais par ailleurs, il est tout à fait évident qu'il y a une conception de la femme, comme d'ailleurs du peuple. La femme comme le peuple, enfin, le peuple et les femmes ont une âme molle. Et il y a entre les femmes et les hommes, pour lui, il y a une disparité évidente. Le maître, c'est l'homme. Que diriez-vous pour les mal-disants, pour vous reprendre Jean-Michel Delacomté, qui pense que Montaigne est vraiment misogyne? Mais toute l'époque l'est, à ce titre. Toute l'époque l'est. Lui, il est plutôt en avance, en regrettant que les femmes ne soient pas... écoutez quand même. Il est peint, vous avez raison, il est peint en mégère. Mais en même temps, il a horreur de la jalousie. Moi, je parle dans mon livre de la jalousie, parce que c'est un fléau, au XVIe siècle, la jalousie. Des hommes en particulier. C'est un fléau. Quand on lit Brantôme, Talmant des Réaux, un peu plus tard, c'est terrible ce qui se passe. Or, il prend le parti des femmes contre les jaloux. Par ailleurs, il est vrai qu'il dit des femmes qu'elles jalousent. Elles sont pénibles. Mais enfin, elles tuent pas leur mari. Les maris, eux, les jaloux, tuent les femmes. Alors, quelle notion de l'amour avait Montaigne? C'est un grand sensuel. Il adore les baisers, même bien marqués, parce qu'il parle des baisers aux morsures sanglantes. Hein, il y a l'effort, l'ami Montaigne. En plus, c'était non pas un débauché, c'est un homme qui aime les femmes. Il le dit d'ailleurs. Il aime les belles femmes, il aime leur parler, il aime les femmes. C'est pour ça qu'il n'est pas misogyne. Maintenant, il est un homme de son temps, avec l'idéologie de son temps, la disparité qu'on évoquait. Mais l'amour, chez lui, est une... Sur des vers de Virgile, ce merveilleux chapitre du troisième livre, c'est un éblouissement. Il écrit, il est assez âgé, il se souvient. Et on a l'impression qu'il est en... Enfin, il a une émotion très forte à se souvenir de ses propres plaisirs. C'est un éloge de l'amour, c'est un éloge des sens, c'est un éloge des baisers. Oui, mais c'est beaucoup plus un éloge de l'amour que de la femme, alors que pour l'amitié, on va y revenir bientôt, demain, l'ami est nommé. Oui. C'est pas l'amitié d'une manière générale, ouais. C'est pas... Il est nommé, c'est la Boétie, c'est elle. Oui. Tout à fait. Ce qui ne me semble pas le cas pour les femmes. excusez-moi d'insister parce que vous avez tout à fait raison. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que c'est la grande aventure affective. Votre remarque est très juste. Il ne nomme pas les femmes sauf les grandes dames à qui il dédie certains chapitres. Hein. Mais là, c'est pas un rapport amoureux. Quoique, il peut y avoir quelques petites ambiguïtés parfois. Mais bon, en tout cas, vous avez raison de noter que le seul qu'il nomme, c'est la Boétie, parce que la grande aventure affective et au fond sentimentale de Montaigne, c'est l'ami. Ce ne sont pas les femmes. Merci beaucoup Jean-Michel Delacomté. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Fayard, Adieu Montaigne, demain, suite de notre série consacrée à Montaigne, l'auteur introuvable. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Michel Vinaver. Bonjour. Deux de vos textes, deux de vos pièces sont jouées actuellement à Paris. Les voisins et la demande d'emploi. Deux textes que vous avez écrit dans des contextes, j'allais dire, sociaux différents d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord qu'il soit joué aujourd'hui? Je n'ai pas d'opinion sur mon répertoire entre ce qui est ancien, ce qui vient d'être fait. Au fond, pour moi, les pièces que j'ai écrites sont plutôt sur une sorte de, dans une, sont plutôt une sorte de topographie, et je suis à l'aise avec les voisins qui datent de, des années 70, comme je le suis avec la pièce que je viens de terminer, enfin qui va être montée à Villeurbanne, puis à Paris, Bettencourt Boulevard, ou Une histoire de France. Et si on commençait par parler de la demande d'emploi, quelle idée, quel contexte, quelle inspiration ou quelle réaction vous ont inspiré pour écrire cette pièce ? Lorsque je l'ai écrite, je crois que c'était en 72, le chômage des cadres n'était pas un sujet majeur dans la société française. Et pourtant, la pièce est centrée sur un personnage qui se trouve chômeur à partir de la fusion de deux entreprises et qui est complètement étonné par cette situation qui n'était pas commune du tout à l'époque. Et cet étonnement amène à une façon de procéder dans sa demande d'emploi, puisque la pièce raconte une demande d'emploi, où ce qui surgit, c'est sa profonde complicité avec ceux qui l'ont mise à la porte. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement pris dans le système, il est tellement inséré dans le système, y compris dans la tête et par le cœur, que il reste en fait, en tant que victime, il reste le bourreau. Il y a cette dualité qui, je crois, est au cœur de la pièce. Je ne suis pas du tout un voyant. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait ce qui va se passer ou qui croit qu'il sait ce qui va se passer. Mais je constate que par l'écriture dramatique, je suis souvent à anticiper sur des événements ou des tendances. C'était le cas pour Par-dessus bord, par exemple, qui a été ma pièce matrice d'où sont sortis bien d'autres, qui était déjà sur ce grand thème de l'emploi et du désemploi. Le titre Par-dessus bord l'indique bien. Par-dessus bord a été écrit juste avant la demande d'emploi. Par-dessus bord était une pièce, je dirais, énorme par sa dimension. La demande d'emploi, j'ai voulu la faire parce que je voulais une pièce modeste, relativement, je dirais, facile à monter, ou du moins je le pensais. Il s'avère aujourd'hui que c'était pas, probablement une erreur. Mais en tout cas, la demande d'emploi, c'est 4 acteurs et non pas 30 acteurs. Et ces 4 acteurs sont comme pris dans un réseau de thèmes. Je crois que j'ai compté le nombre de thèmes un jour dans la pièce, qui est de l'ordre de 30. 30 thèmes qui s'entrelacent, qui s'entre, je sais pas si on peut dire ça, s'entrepénètrent. Ce qui fait que plus que d'une intrigue dans la pièce, il y a un effet symphonique de avec beaucoup de percussions d'ailleurs. Le geste de l'écriture est plutôt comparable à celui d'un archéologue qui fouille pour trouver ce qu'il ne sait pas encore qu'il trouvera. L'écriture de théâtre, pour moi, c'est un instrument d'investigation, mais sans que je sache au départ ce qui est ce qui en sera le résultat. La demande d'emploi, par exemple, C'était très, très exactement ce geste de fouiller qui m'a guidé. Le théâtre a beaucoup été du côté de l'amour. Et je me suis dit, mais il y a un autre type de relation qui m'intéresse. Et là encore, ce serait juste un acte de fouille. C'est quoi le voisinage, hein? C'est quoi être voisin? Et du coup, j'ai imaginé deux maisons qui sont attenantes l'une à l'autre, avec dans chacune un papa et un enfant, et voir ce que peut être cette relation particulière qu'est le voisinage au travers d'un certain nombre de péripéties où les voisins qui au départ sont inséparables ensuite deviennent des ennemis jusqu'à vouloir, on peut dire, s'assassiner l'un l'autre, et dans un nouveau retournement deviennent associés dans un projet commun. Alors voilà, ça c'est une comédie qui met un peu sans dessus dessous les idées qu'on peut avoir sur cette relation de voisinage. Comment avez-vous écrit ces deux pièces, hein? La demande d'emploi, les voisins, est-ce une commande ou est-ce que vous êtes allé chercher un metteur en scène, un théâtre, une troupe pour leur proposer des textes déjà écrits? La demande d'emploi, ni l'une ni l'autre de ces pièces n'a été une commande. La demande d'emploi, ça a été une envie. L'envie de faire une pièce courte, simple et qui trouverait des occasions. Elle a été montée plusieurs fois dans les deux ou trois premières années. Elle n'a pas attendu longtemps pour toucher le public. Les voisins, je n'ai même pas le souvenir de ce qu'a été le déclencheur, sinon l'envie de voir ce que c'est que le voisinage. Mais pas du tout, et par le théâtre, puisque le théâtre c'est mon mode d'écriture. Mais il n'y a eu aucune incitation extérieure, non. Est-ce que vous suivez vos textes au fur et à mesure qui s'adaptent à l'époque et qui s'adaptent aux metteurs en scène qui viennent les relire, les mettre en scène? J'aime suivre ce travail sans pour cela penser que mes avis seront nécessairement les bons. Il m'est arrivé d'avoir de très bonnes surprises avec des mises en scène de pièces sans qu'il y ait eu le moindre travail commun avec le metteur en scène, et puis également des déconvenues dans l'autre sens à partir du moment où j'avais participé. Donc il n'y a pas de règle pour moi, mais lorsque le metteur en scène le souhaite, oui, je participe. Si je prends l'exemple de Françon par exemple, Françon souhaitait toujours que les premières répétitions soient consacrées à une exploration du texte même, à la table avec les acteurs. Vous allez souvent au théâtre aujourd'hui, Michel Vinavert? Non, je ne suis pas quelqu'un qui va souvent au théâtre. Pourquoi? Je préfère d'autres activités. Je préfère le cinéma, je préfère les expositions de peinture, pourquoi, je ne sais pas, mais ce n'est pas... Bon, je ne suis pas un amateur, ce qu'on appelle un amateur de théâtre. Depuis toujours? Oui, depuis toujours, oui. Merci beaucoup Michel Vinaver pour cette interview. Pour terminer et pour avoir une idée de votre humeur, je vous demanderai de choisir trois questions. Première question. Quel est le plus tenace de vos souvenirs d'enfance? C'est d'avoir observé une limace dans sa progression d'un légume à un autre dans un potager. Cette image vous poursuit encore? Elle ne me poursuit pas au point de m'obséder, mais enfin, vous me posez une question, je vous réponds ce qui me vient à l'esprit dans l'instant. Aimeriez-vous changer de ville? Je n'aimerais pas changer de ville, non. Non. Pourtant, vous avez beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui vous fait aimer Paris, par-dessus tout? Il est vrai que j'ai eu une existence, sinon errante, du moins assez variée dans les lieux où je me suis trouvé habité. J'en suis à un point de ma vie où je ne suis plus à chercher le changement et où j'ai besoin des racines dans lesquelles je me plante, oui. Enfin, des racines qui m'alimentent, voilà. Enfin, dernière question. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter dans les Ménines de Velázquez? Parce que c'est un des tableaux les plus surprenants par la multiplicité des points de vue qui s'en dégagent. Merci beaucoup, Michel Vinaver. Merci à vous. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série consacrée à Montaigne, Montaigne, l'auteur introuvable, en compagnie de Jean-Michel de la Comté. Et en deuxième partie, cinéma, je recevrai Philippe Faucon à l'occasion de la sortie de son dernier film, Fatima. Bonne matinée sur France Culture et à demain. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne, ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.